C'est où les baladins ? À Galerie des baladins. Alors, c'est le début des géants. Oh là là. Ah oui, toi, c'était le souvenir aussi. Ouais, ouais, c'est... C'est pas l'heure. Est-ce que je dis c'est la journée de la fermeture ou boucher? Non, mais c'est pas normal. Peut-être que aujourd'hui c'est mardi. C'est la journée. Non.